Hey Ced, si tu m'entends, est-ce que tu utilises Jam Tabac par hasard? Parce que c'est ça qui fout la merde. Ça fout la merde sur les serveurs. Bah, on pourrait essayer voir si le temps réel ça marche, Titi, mais j'en suis pas convaincu. Moi, tu sais, j'aime tabac, j'utilise plus. Hein. C'est une belle interface pour les ziphonistes, pour les gens qui mixent, mais pour un musicien, bon, je trouve pas ça terrible parce que ça merde de trop, quoi. Ah, t'es pas d'accord? Bah, moi je suis pas d'accord avec leur histoire d'accord, déjà. C'est trop formaté, attends. Avec les progressions néoclassiques que je fais, ça, tu peux pas les mettre dans leur truc là. Ouais, ça, t'as pas répondu, t'as des problèmes de connexion, c'est quoi? Tu utilises Reaper ou tu utilises Jam Tabac? Tu peux répondre? Ah bon, bah c'est étonnant, hein, parce que bon, je sais que Jam Tabac fout un peu la merdouille hein, quand un mec qui vient de Jam Tabac sur le serveur Runningbot, ça fout la merdouille. C'est pour ça. C'est quoi ton problème exactement, Ced? Y a pas de problème. Ah, sur Reaper, y a pas grand-chose à faire. Hein. Mais juste la jam pour la connexion internet et rien d'autre. Hein. Single track classique.